France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 93. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 4 novembre 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es gratte-papier sur feuille de chou. Tu es Tintin reporter chez les Soviets ou Pernod Jean-Pierre à la Biennale de l'Andouillette. Tu es 5 colonnes à la une, tu es à la rubrique des chiens écrasés, tu es grand-messe du 20h et tu es aussi... Le pluralisme à la télévision, à la radio aussi, de l'information. C'est une garantie fondamentale de la liberté. Oui, tu l'auras compris l'ami. Ce matin, tu es le quatrième pouvoir, tu es journaliste à l'affût du scoop. Alors demain, lundi 5 novembre, tous les journalistes européens sont invités à participer à une journée d'action en faveur de la liberté de la presse intitulée « Stand up for journalism ». Car certains d'entre eux, paraît-il, subissent de fortes pressions économiques et politiques. Non, sans déconner. Eh bien, afin d'y voir plus clair, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de t'offrir un petit reportage d'investigation au cœur de cette profession qui fait l'information. Et pour commencer justement, des enquêtes sans concession d'Albert Londres, au droit de savoir de Charles Villeneuve, nous essaierons de comprendre les évolutions qui ont façonné ce fabuleux métier de journaliste. Ensuite, durant quelques minutes, nous squatterons une salle de rédaction afin d'identifier les qualités indispensables pour analyser l'actualité avec impartialité. D'ailleurs, en cours d'investigation, la panique a découvert un flash radio exceptionnel, venu tout droit du futur, mais qui nous en dit long sur le journalisme d'aujourd'hui. Et puis, dans la foulée, en exclusivité, nous t'offrirons les résultats de notre enquête sur les relations qu'entretiennent la sphère des médias et le pouvoir politique, des révélations fracassantes. Et enfin, nous avons dépêché un envoyé spécial pour suivre Monique et Jean-Claude à Trégastel, où sévit une effroyable guerre des JT. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et fais chauffer les rotatives. Should've never hopped around this way. Enola Gay. C'est ce que chantait en 1980 le groupe OMD, Orchestral Manoeuvre in the Dark. D'ailleurs, certains paranoïaques sont convaincus que ces manœuvres orchestrées dans le noir seraient pratiques courantes dans quelques rédactions nationales. Quel mauvais esprit! Alors, la panique au Mangin Palace a donc décidé aujourd'hui de consacrer 53 minutes d'émission à ceux qui partent couvrir les sursauts du monde au risque de leur vie ou à ceux qui se spécialisent dans la nécrologie canine. Tu l'as compris, l'ami, ce matin, on s'intéresse aux grands reporters et aux écotiers, en un mot, aux journalistes. L'an de grâce 1631 peut être considéré comme celui de la naissance de la presse française. En effet, Théophraste Renaudot fait alors paraître le premier numéro d'un hebdomadaire intitulé La Gazette. Mais sous l'Ancien Régime, le souverain absolu contrôle avec fermeté les publications. Alors, quand éclate la Révolution et quand la Déclaration des droits de l'homme proclame la liberté de la presse, c'est l'explosion. Des centaines de titres apparaissent, comme par exemple L'ami du peuple de Marat, Le père du chêne d'Hébert ou Le tribun du peuple de Gracchus Babeuf. En gros, sous la Révolution, pour ceux qui en ont marre de la censure, c'est... C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des rames et font coin-coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en son coin-coin. La Révolution, c'est donc une période de liberté pour les journalistes. Pourtant, dès le Directoire, et plus encore sous l'Empire, la presse est à nouveau très contrôlée. L'événement majeur dans l'histoire du journalisme, c'est au mois de juillet 1830, lorsque le roi Charles X, alors contesté, suspend la liberté de la presse. Et ça, le journaliste, il ne peut plus l'accepter. Je suis libre, je choisis mon chemin, je choisis mon destin, je suis libre. Je suis libre, je bâtis ma vie et demain ma bataille, je suis libre. L'abolition de la liberté de la presse par Charles X en 1830 est à l'origine de la Révolution des Trois Glorieuses. Cependant, sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire, les journalistes sont de nouveau fortement contrôlés. C'est avec la Troisième République et la loi de 1881 que la liberté de presse s'impose. Les progrès techniques et l'amélioration de l'enseignement favorisent une presse de masse, comme le Petit Parisien, par exemple. Dans ce quotidien très populaire, sont publiés les reportages d'un professionnel de l'information qui dit porter la plume dans la plaie et qui sillonne le monde jusqu'à Cayenne, dis donc, pour rencontrer les bagnards. Son nom, ben... Je ne savais pas qu'il s'appelait Albert Londres. C'est quand Julien Causet, dans le bureau de surveillant-chef de camp, de chef de camp d'Élie Saint-Joseph... Mais ça se passait devant un surveillant. Non, pas de surveillant. C'était dans le bureau du chef, mais il n'y avait pas de surveillant. Il m'a dit, voilà, je suis Albert Londres, je suis reporter de Petit Parisien, et je viens vous demander si vous avez quelques réclamations à faire au point de vue administratif. Il a dit, je ne prends que les réclamations administratives, je ne m'occupe pas des affaires judiciaires, il a dit. Alors chacun exposait la sienne. Est-ce que cela a servi à quelque chose? Oh, je pense, puisqu'il y a eu de suite des modifications. On a d'abord supprimé les fers. Je lui ai fait voir, moi, les manies, les barres de justice dans les cachots. On a supprimé les fers. Et ensuite, on a donné un peu plus de vivres, vous savez, pour les travailleurs. On a augmenté la ration. On a augmenté la ration grâce à Albert Londres. Le journaliste a donc un rôle politique et social et devient même un soutien majeur du régime parlementaire, un pilier de la démocratie. Les journalistes se forment dès lors comme un groupe social dont le statut est d'ailleurs légalement reconnu quand est créée en 1936 la carte de presse. Mais... grosse rupture en 1940 avec le régime de Vichy, puisque le message est alors très précis pour les journalistes. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Malgré le risque d'exécution, les journalistes font de la presse une arme majeure de la lutte contre l'occupant nazi et contre le régime de Vichy. Combat, résiste à Je suis partout et c'est Radio Londres contre Radio Paris. Après la guerre, la presse est totalement remaniée, pour le fond bien sûr, mais aussi pour la forme. En effet, À côté de la presse écrite, de nouveaux moyens de diffusion de l'information se développent, comme te l'expliquait en 1949 le journaliste et patron de presse Pierre Lazareff. En France, nous avons déjà un excellent journal télévisé qui vient de fêter son 100e numéro et qui, malgré les faibles moyens dont il dispose, a su créer un style différent de celui du film d'actualité. Le film d'actualité, tel que vous le voyez dans les cinémas, est un hebdomadaire. Le film d'actualité télévisé est un quotidien. En l'an 2000, vous aurez donc à domicile le journal télévisé, en couleur et sans doute en relief, qui vous fera assister souvent aux événements au moment même où ils se passeront. Et en effet, avec les progrès gigantesques de la diffusion de l'information, et avec la télévision ou la radiodiffusion, le métier évolue et les journalistes poussent encore plus loin leurs investigations. Information, hein, à la télé, hein. Tronche de premier de la classe, rillette sous les bras. Hein. Bon. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Bon, alors ça, c'est nous qui payons, on s'en tamponne déjà, bon. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, les milieux autorisés, c'est un truc, vous y êtes pas. Vous n'êtes même pas au bord, vous n'êtes pas là du tout. Bon, s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et alors, c'est formidable, c'est qu'ils se croient honnêtes, ces cons-là. Ils sont sûrs qu'ils disent l'information. Alors, ils voudraient qu'on soit intelligents et ils nous prennent pour des cons. Ben, comment on ferait, alors? Ben, comment on ferait, alors? C'est sans doute ce que se demandaient en mai 68 les étudiants en colère qui constataient que la police vous parle tous les soirs à 20h. Sans doute pour titiller Alain Perfitte, le joyeux ministre de l'Éducation nationale, et ancien ministre de l'Information du général de Gaulle. Mais après les événements de 1975 à 1988, au journal de 13h, c'est pas la police qui nous parle, mais c'est un journaliste atypique qui modifie la manière de présenter le JT, l'incroyable Yves Mourouzi. En 1965, la guerre du Vietnam ressemblait à n'importe quelle autre guerre, mais n'avait rien à voir. Elle était différente, pour bien des raisons, et les combattants aussi étaient différents. En 39-45, l'âge moyen des soldats était de 26 ans. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. Yves Mourouzi devient l'archétype d'un nouveau type de journaliste entre carte de presse et carte VIP. Mais attention, car même si c'est une vedette et même s'il travaille pour de grands groupes de presse, parfois proche du pouvoir, le journaliste conserve toute son indépendance. L'événement de ce mercredi 4 octobre, c'est l'interpellation de un jeune au Mureaux ce matin. Une opération menée par 100 policiers et 30 journalistes. Alors, Europe 1, vous vous postez derrière l'immeuble. France 2, vous bloquez l'escalier. TF1, les ascenseurs. M6, vous enfoncez la porte. LCI et e-télévision, vous procédez à l'arrestation des suspects. Et nous, France 3, on fait quoi? Vous, il y a la fête des œufs durs à la Ferté-Alais. Foncez! Foncez! C'est en réalité ce que font la plupart des journalistes en France et dans le monde, parfois même au risque de leur vie. L'année dernière, par exemple, une centaine de journalistes ont été tués et des milliers d'autres ont subi diverses pressions et menaces. Et oui, parfois les politiques dévient et même en démocratie, la presse joue son rôle de quatrième pouvoir, à l'image d'un Bob Woodward du Washington Post qui dévoila l'affaire du Watergate. Du coup, président Nixon, il ne le porte pas dans son cœur, notre Bobby chéri. Bobby chéri, vous souvenez-vous de moi? Cette musique sonnait mieux autrefois. Oh my baby, chanteriez-vous quelques notes avec moi pour le reste de la vie? J'en ai mangé des guimauves, mais ce soir j'en ai ma dose. J'ai jeté toute ma bibliothèque rose. Oh my baby, oh mon kamikaze, mon Bobby chéri. Nous étions quelques quelque chose, vous et moi, que les autres n'ont pas. Oh my baby, shall we play another game, you and me, pour le reste de la vie. J'en ai mangé des guimauves, mais tu vois, j'en ai ma dose, je te bade, vas-y fais quelque chose. Oh my baby, oh mon kamikaze, mon Bobby chéri. Bobby chéri, c'est ce que Piaf, Émilie Loiseau, l'hirondelle déchaînée. Alors que le Bobby fin, lui, dans les tranchées à Verdun, il chérissait plutôt le canard enchaîné. Alors, la pendule du Mangin Palace nous informe qu'il est désormais 11h21 et après avoir découvert en une les origines historiques de la presse d'aujourd'hui, il est temps dès à présent de passer à la rubrique suivante. Quelles sont les qualités indispensables afin d'analyser l'actualité avec impartialité? Oui, mon ami, qu'est-ce qu'un excellent journaliste? Avant toute chose, il faut savoir qu'un véritable journaliste devrait avoir comme livre de chevet « Critique de la raison pure » d'Emmanuel Kant, car ce dernier y affirme que quel que soit l'objet dont nous parlons, c'est uniquement par le filtre de ce que nous sommes que cet objet peut se définir. Seulement voilà, ce fameux filtre est propre à chacun d'entre nous, bien sûr. Traduction, la sacro-sainte objectivité journalistique est une sacrée chimère, puisque seule la subjectivité régit notre raisonnement d'être humain. En revanche, ce qui est essentiel pour un journaliste, c'est l'honnêteté intellectuelle et la déontologie. Prenons l'exemple de la météo. Lorsqu'Evelyne Delia nous annonce qu'il pleut, c'est une information, mais il pleut à travers Evelyne. Autrement dit, le ton qu'elle emploie, par exemple, peut nous révéler qu'elle déteste la pluie, alors que certains d'entre vous l'apprécient, et ce n'est pas grave de ne pas être d'accord avec elle. En revanche, si Evelyne nous annonçait « il va faire beau », alors qu'elle sait que le temps sera pourri, eh bien c'est là qu'elle deviendrait malhonnête. Pour être plus précis, découvrons une autre preuve par l'exemple. Et dans cette cité anormalement calme, trois dangereux caïds rôdent. Ils sont obligés de commencer le reportage par cité anormalement calme, dangereux caïds, tout ça. Parce que si ils commencent le reportage par dans cette cité où tout se passe bien, trois jeunes jouent à la marelle, les gens ils en ont rien à foutre. Ils passent sur Maïté direct. Et nous retrouvons nos trois dangereux caïds dans leur marche illicite et dangereuse. Il se dirige vers une cabine téléphonique, probablement pour la cambrioler. Tu rends compte? Ah non, il téléphone. Mais c'est certainement pour appeler de dangereux dealers qui leur livreront plusieurs kilos de drogue islamiste. Leur business leur rapporte par jour plus de 12 000 euros. Faut pas croire tout ce qu'on vous raconte sur TF1. 12 000 euros par jour. Si c'était vrai, même Bernadette Chirac vendrait du shit. Là, c'est n'importe quoi. Oui, parfois c'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc, première qualité pour être un bon journaliste, c'est être forcément subjectif, mais également être honnête. C'est absolument essentiel. Ensuite, il faut être courageux pour exercer ce noble métier, car il faut savoir résister aux pressions et ne pas se laisser intimider lors d'interviews, par exemple. He's the new president of France. They call him Sarko the American. He's smart, energetic, and tempestuous. In the short time we spent with him, we watched as he berated his own press secretary. Quel imbécile. For arranging an interview he clearly didn't want to do on a busy day. He is stupid. But sir, this is how this is what the American people are going to say. Okay. I don't have the time. I have a big job to do. I have a schedule. Very busy. Quel imbécile. Les journalistes anglais parlent aux journalistes français. Le double décimètre vous balade par le bout du nez. Vous êtes des lavettes. I repeat, vous êtes des lavettes. Bon, alors là, faut pas pousser Pépito dans les cactus non plus. Il existe en France, heureusement, d'excellents journalistes. Denis Robert et son affaire Clearstream, la rédaction du Canard Enchaîné, bien sûr, mais aussi tous les journalistes, finalement, qui ne fricotent pas avec les pouvoirs politiques et économiques. Car voilà la troisième qualité indispensable, l'indépendance, bien entendu. Ce qui a fait dire à quelques mauvais esprits, d'ailleurs, que certaines journalistes, présentatrices des journaux télévisés sur le service public auraient perdu toute légitimité. Mais là encore, c'est exagéré. Une femme honnête et de talent, malgré ce qu'on peut imaginer, ne couche jamais pour arriver. Elle dort avec, c'est différent. Car lorsqu'on dort, vous le savez, on est en communication avec les rêves d'un PDG qui veut connaître vos motivations. Eh oui, présenté le soir 3, alors qu'on passe le week-end à Venise avec le ministre de l'Intérieur, c'est avant tout mener une enquête d'investigation, bordel, à la recherche d'informations capitales, bien sûr. Faut pas tout mélanger. Bon, et puis... Ah, bon, alors c'est la première fois que ça nous arrive, chers amis. C'est hallucinant, mais visiblement, il y a un flash spécial, donc c'est incroyable. Je vais devoir rendre l'antenne, on se retrouve juste après pour la suite de Panique. Une foufoune a explosé hier soir dans un cinéma de Strasbourg. Au Rialto, on jouait Liaison Fatale, quand soudain, pendant la projection, la foufoune de Valérie T, 24 ans, célibataire, a explosé, occasionnant, heureusement, plus de peur que de mal. Alors Alain, va-t-on assister à une radicalisation des explosions de foufounes, comme en mars dernier ? Oui, vous vous souvenez tous des tragiques foufounes du printemps 87, les foufounes du soleil, comme on les a appelées, occasionnées par un printemps précoce ou je ne sais quoi. Eh bien, depuis hier, on se remet à avoir peur, Bruno. Très bien. Bon ben, nous on poursuit et on fera le point à midi. Au passage, malgré lui, ce flash spécial vient de nous offrir la quatrième qualité du journaliste. Il doit être constamment sur le qui-vive, à la pointe de l'actu, et surtout, savoir ensuite hiérarchiser les informations comme nous venons d'en avoir la démonstration. Et puis, le journalisme, c'est bien sûr un style d'écriture, une patte, ou encore un phrasé que l'on doit reconnaître immédiatement. Bonsoir à tous, bienvenue donc à Antenne 2. Merci d'être fidèle à Antenne 2 et de suivre avec nous cette demi-finale de la Coupe du Critérium inter-européen des trophées régionaux. Un grand moment en perspective, n'est-ce pas Hervé ? Tout à fait Jean-Paul, tout à fait. Merci bien sûr à tous les téléspectateurs d'être restés fidèles à l'athlétisme et à Antenne 2. Je vous rappelle que TF1 diffuse en ce moment même le match très important qu'autant pour la Coupe du Monde de football Marseille-Monaco. Tout à fait. Mais pas de panique, Antenne 2 diffusera ce même match en différé dans une semaine, le mardi à 2h30 du matin. Donc, aucun regret, soyons fidèles à l'athlétisme. Tout à fait, Hervé. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Merci de votre attention. C'est ainsi que se termine Stade 2 aujourd'hui. Un Stade 2 qui ne ressemblait pas aux autres, mais est-ce qu'un Stade 2 peut ressembler à un autre ? Merci à tous. Bonsoir. Sur Antenne 2, cela va de soi. Bon, alors maintenant, afin d'enrichir notre enquête sur les qualités indispensables au journalisme, la panique au Mangin Palace a découvert cette semaine un flash radio exceptionnel, produit par le groupe d'intervention Sous-Réaliste. Attention, voici les actualités du printemps 2042. Certes, c'est dans longtemps, mais cela nous en dit long du présent. Une leçon de journalisme, on découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. La tension est toujours très vive à Téhéran et Islamabad, où des milliers de manifestants ont attaqué les représentations islandaises. Les autorités islamistes exigent toujours des excuses de la part du président islandais, qui a reconnu lundi dernier avoir renversé de la sauce barbecue sur un exemplaire du Coran. Les manifestants ont tenté de brûler des drapeaux islandais, mais personne ne sachant à quoi ressemble ce drapeau, la foule en colère s'est contentée de déchirer rageusement des affiches de Captain Igloo. La diplomatie internationale poursuit ses efforts pour convaincre la principauté d'Andorre de renoncer à son programme nucléaire. Une rencontre tripartite doit se tenir aujourd'hui au siège de l'AIEA à Saint-Tropez. Les diplomates européens semblent optimistes sur leurs chances de parvenir à un accord. Selon une source proche des négociateurs, l'Andorre serait prête à abandonner son projet en échange d'un assouplissement des barrières douanières sur le Martini et les cartouches de Marlboro. Washington, de son côté, étudie toujours la possibilité de bombarder Andorre. La Maison-Blanche a passé commande de 75 Atlas Junior afin de localiser la principauté. Des scènes de liesse un peu partout dans le pays, la France a battu le Brésil. Le Festival international de l'urbanisme s'est achevé hier soir avec la consécration pour les architectes français. Dans la catégorie favelas, la région Île-de-France décroche la médaille d'or devant Sao Paulo. Les juges ont été particulièrement impressionnés par la ZUP de Nanterre, avec sa French touch si particulière et merveilleusement authentique. Quant aux supporters de Nanterre qui avaient fait le déplacement, ils n'ont pas caché leur joie. Je suis très très très content. Et vive la France ! On n'a pas vu le Brésil parce qu'on a maîtrisé de bout en bout. La météo vous est présentée par les fours Krupp. Krupp pour une crémation de premier choix. Les températures sont en légère baisse aujourd'hui, en raison notamment de l'harmattan qui va souffler sur la moitié sud du pays. On observera 42 à Lille, 43 à Paris. Les Strasbourgeois seront les mieux lotis avec 45 degrés dès la levée des fumées matinales. Attention tout de même à quelques pluies acides sur le massif central. Attention aussi à ceux qui se baignent sur les plages de Limoges. It's past the time we up and leave. All this concrete and the steel. Where my mind can really breathe. Where my heart can really feel. Take me to the mountains. You can take me to the hills. The city's dying by the day, and you know it always will. Mama, I wanna live where I can see the stars. I'm tired, uninspired, and the country isn't all that. Luna Song, chanson folk du groupe The Moonshine Sessions, dont la presse ne cesse de vanter les mérites au quotidien. Mais The Moonshine Sessions, c'est aussi le moment où les ouvriers du livre, aujourd'hui en France, font tourner les rotatives en express afin d'abreuver le monde de libération et d'humanité pour faire le point sur l'information. Alors maintenant, pour enchaîner avec nos histoires de canards, il est temps désormais, à 11h33, de te révéler les conclusions fracassantes de l'enquête d'investigation que nous avons menée cette semaine au cœur des différentes rédactions de la presse nationale, afin de savoir si les journaux français sont réellement indépendants face au pouvoir politique. C'est ainsi qu'au péril de leur vie, les reporters de la panique ont passé cette semaine 24 heures dans les arcanes médiatiques grâce à une taupe que nous avons surnommée Danton en hommage à la gorge profonde dans l'affaire du Watergate. Micro caché, anonymat, fausses identités, bref, tous les moyens ont été mis en place afin d'essayer enfin de savoir si la presse française subit vraiment de fortes pressions politiques. Pour commencer, grâce à Danton, notre taupe, nous avons pu pénétrer la rédaction du Figaro jeudi matin aux aurores. Et là, quelle ne fut pas notre première surprise lorsque nous avons découvert l'indépendance et l'impertinence des rédacteurs en chef de ce quotidien. Ce journal est trop souvent accusé d'être proche du pouvoir. Eh bien, voici la vérité vraie. La victime dans cette affaire, Nicolas Sarkozy, veut uniquement que justice soit faite. Les propos du général Rondeau général Rondeau, confirme que Dominique de Villepin voulait la peau de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui ne fait que son travail. Que son travail. C'est bon, vous avez tout noté? Très bien, je fonce voir Al-Kabash. Et mettez une jolie photo de moi, hein, genre le pauvre, il souffre. Rassuré, bien entendu, devant cette indéniable indépendance éditoriale du Figaro, notre taupe a ensuite conduit nos reporters au sein de différents journaux. C'est là que nous nous sommes alors aperçus qu'en réalité, c'est la gauche qui fait peser une énorme pression sur la presse nationale. Personne ne peut imaginer, par exemple, combien Ségolène Royal fait régner la terreur dans les rédactions. Elle est abonnée à Marie-Claire, dans Nouvelle Obs, elle lit que Brett est cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant, elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. D'ailleurs, dans la foulée, quand notre taupe est enfin parvenue à nous faire entrer dans les locaux du quotidien Libération, nous avons eu la confirmation de notre scoop, à savoir que c'est bien la gauche française qui manipule les journalistes, du coup, les pauvres n'osent plus poser de questions qui dérangent. Alors, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est sous votre mandat que Maïté a présenté La Cuisine des Mousquetaires. C'est les deux dames là, qui faisaient l'émission, là, c'était pour France 3, c'est Sud-Ouest, ça. Je ne sais pas. Ah, mais après, c'est France 3 National, oui, hein, quand ça, même. Oui. Comme j'aime bien la bouffe, j'ai suivi quelquefois leurs émissions. Oui. Qu'est-ce que vous aimez comme musique de film? Alors, vous préférez plutôt Un homme et une femme, Mon oncle ou Love Story? Mais pourquoi voulez-vous que j'engendre dans ces questions-là? Pour savoir ce que vous aimez. Ça ne m'intéresse pas d'entrer dans des questions de ce genre. Ah bon, pardon. Je vous remercie, monsieur Lang. Merci à vous. Troublés par cette révélation fracassante, nos reporters ont alors décidé d'aller enquêter auprès d'autres organes de presse, eux aussi réputés à gauche. Il fallait absolument faire croiser nos sources avant de rendre publique cette bombe. Et chemin faisant, nous avons rencontré un vendeur de journaux à la criée que nous avons immédiatement interviewé afin de connaître son opinion à ce sujet. Demandez le monde, le monde, le monde. Des révélations surprenantes, on a tenté d'assassiner Nicolas Sarkozy. Demandez le Figaro, Dominique de Villepin, mouillé jusqu'au cou. Monsieur, un petit journal. Vous allez apprendre que Chirac couvre Villepin qui veut assassiner Sarkozy. J'ai pas d'argent. Ah bah c'est cadeau. Ah bon. Demandez le monde avec en une l'extrême modestie et la grande discrétion de Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Demandez le monde. Encore une fois, l'indépendance éditoriale pour ces deux titres nous semblait tout à fait probante. Et puis, à 16h, nous avions un rendez-vous avec une journaliste du quotidien L'Humanité qui a souhaité conserver l'anonymat car elle allait nous confirmer l'impensable. Au sein de son journal, en effet, les relations entre le bureau politique du Parti communiste et sa rédaction sont un peu particulières, paraît-il. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Plus nous avancions dans notre enquête et plus notre scoop se confirmait, la gauche exerce une énorme pression sur les rédactions nationales qui lui sont acquises. Cela dit, toujours dans un esprit de comparaison, et pour aller plus loin dans l'information, nous avons réussi vers 18h à nous faire inviter à un séminaire de journalistes du groupe Lagardère intitulé « Comment lutter contre la censure » durant lequel nous avons été très bien reçus par l'organisateur. Reculez juste un tout petit peu, voilà, on fait un cercle, un rond et on est bon. Et moi, non, vous allez foutre la caméra sur sa tête, monsieur. Non mais là, il y a un trou, voilà. Et madame, juste vous reculez un poil, impeccable. J'ai fait chef de gare avant. Décidément, une telle empathie pour la profession hypothèque immédiatement tout soupçon de pression sur les titres de presse du groupe en question. Toutefois, pour notre enquête, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi, vers 20h, notre taupe a réussi l'impossible, nous dégoter une interview exclusive de Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, l'homme le plus puissant de France, comme le titrait récemment l'hebdomadaire d'opposition L'Express. Mais au moment de notre arrivée à l'Élysée, Claude était en pleine réunion de travail. Quatre colonnes à la une, titre encadré, une superbe photo comme pour Clark Gable ou Brigitte Bardot. Des révélations, des hypothèses, du suspense à gogo. L'information sensationnelle à ses exigences, on sait ça. Ainsi, après avoir fixé avec ses collaborateurs la une de Paris Match pour la semaine prochaine, Claude Guéant a alors très gentiment accepté de répondre à nos questions sur l'indépendance de la presse en France. Et, selon lui, l'homme le plus puissant de France, je te le rappelle, il n'y a chez nous que deux médias réellement indépendants, TF1 bien sûr et... Figaro, me voici, et Figaro, me voilà, Figaro-ci, Figaro-là, Figaro-ci, Figaro-là, Figaro-ci, Figaro-là, Figaro-ci, Figaro-là, à vous servir, vous je m'empresse, je voudrais bien rouler de vitesse, qu'avez-vous donc à désirer, mais qu'avez-vous donc à désirer ? Oh, pas grand-chose, Claude, puisque grâce à vous, désormais, nous avions la confirmation de nos hypothèses. Point de pression sur les grands médias nationaux. D'autant qu'au moment de quitter le palais, un de nos reporters a laissé traîner un micro caché. Et là, nous nous sommes aperçus qu'en réalité, ce n'est pas sur les journalistes que s'exercent les pressions, mais au contraire, sur les patrons de presse qui sont exténués à force de protéger leur rédaction. Putain, je suis parti à 4h15 du matin de mon bureau, vendredi, à 3h30 jeudi. Je me suis fait, toutes ces conneries, je me suis fait le 20h samedi. Ouais, ouais. Moi, tu sais, je vais te dire, on pioche, hein. Je sais pas toi, mais... Tu accumules des charges, du stress, des cons, des nuls. Oui, de la connerie toute la journée. De la connerie, on barre toute la journée. Eh ben voilà, au final, on va encore véhiculer une image de médiocrité des journalistes français. Franchement, après une telle enquête, c'est kafkaïen. Vous avez pas lu Kafka ? Oh là là là là là. Vous avez pas lu Kafka ? Oh là là là là là. Vous avez pas lu Kafka ? Oh là là là là là. Je me donne un mal de chien, mais je ne comprends pas tout. Je me donne un mal de chien, je n'en viens pas à bout. À cause des musiciens, yeah, yeah, qui jouent près de moi, je ne peux pas lire ici. Je ne le répéterai pas, je ne peux pas lire ici. C'est bête ça. Je ne peux pas lire ici. Ça y est, et c'est reparti. Et dis donc, Nino, tu peux pas jouer moins fort. Faut que je me cultive. Et dis donc, Nino, Kafka, c'est pas Astérix. Moins fort, Nino, j'ai les nerfs qui lâchent. Grâce à ces musiciens, j'entrevois tout à coup l'univers kafkaïen qui rend les hommes fous. L'univers kafkaïen, oh yeah, moi je l'ai chez moi, c'est bien le dernier mois que je passerai là. Je ne veux plus vivre ici, je ne resterai pas, car si je reste ici, oh yes, ça oui je le vois, car si je reste ici, je ne me cultiverai pas, je ne peux pas lire ici, car c'est très calé Kafka. Vous avez pas lu Kafka ? C'est ce que nous demandait en 1966 la critique littéraire Suzanne Gabriello. Alors que Nino Ferrer, lui, pour ses investigations, il lisait plutôt la rubrique des chiens écrasés. Alors, nous voici donc maintenant arrivés aux pages culture de notre émission hebdomadaire. Et c'est l'heure, bien sûr, de retrouver nos deux pigistes en direct du Mangin Palace, les scribouillards, Monique et Jean-Claude. Cette semaine, nos héros sont partis en famille pour la Toussaint, chez Arnaud, le frère de Monique, qui habite à Trégastel en Bretagne. Mais après quelques heures de route, pour Jean-Claude, ce fut le drame. Il est arrivé chez son beau-frère à 20h20. Résultat, il n'a vu que la fin du JT de TF1. C'est la première fois en 15 ans que Jean-Claude loupe la grand-messe du 20h, une tragédie. Ainsi, dès le lendemain, au petit matin, Jean-Claude s'est armé de son courage et de son téléphone. Oui, allô ? Est-ce que je pourrais parler à la personne qui a fait les informations hier soir chez moi ? Oui. Ou une assistante, merci. Oui, bonsoir madame. Écoutez, je vous appelle pour... En fait, je suis un peu mal à l'aise, je voulais juste régler quelque chose. Hier soir, j'ai regardé les infos, enfin juste où la personne disait... Enfin, je crois que c'était la fin parce qu'il disait merci d'avoir suivi ce journal, tout ça. J'étais un petit peu mal parce que moi, j'avais pas suivi le journal depuis le début. Ben rien, pour être honnête, je me suis dit s'il l'apprend par quelqu'un d'autre. Il avait l'air un peu... Je me suis dit quelqu'un m'a balancé. Ah d'accord, ok. Ah, ça n'a pas de lien direct. Alors si ça n'a pas de lien direct, ça m'enlève une épine du pied, madame. Merci madame en tout cas. Merci, ça me... Oh là là, ça me soulage. Merci beaucoup madame, merci. Au revoir. Jean-Claude est donc complètement soulagé. Sauf que voilà, Monique, qui a entendu la conversation, est outrée de cette grossière accoutumance au journal télévisé. Jean-Claude, un peu penaud, désire surtout que ces quelques jours chez Arnaud, son beau-frère, se passent pour le mieux. Alors pour faire plaisir à sa Monique, Jean-Claude fonce à la boulangerie pour acheter quelques croissants, et puis en passant, il prend Ouest-France, le Télégramme et New Look pour Monique. Mais de retour à la maison, ben Jean-Claude, il change d'avis. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière et qu'attendre. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. En déjeuner en paix. Monique veut vraiment déjeuner en paix. Et surtout, elle préfère être seule avec Nicolas Demorand. Jean-Claude décide donc de sortir pour une petite balade pastorale sur le littoral de Trégastel. Quand tout à coup, devant la maison, il aperçoit son beau-frère Arnaud en train de s'embrouiller avec le voisin, un type que Jean-Claude reconnaît immédiatement. Et le beau-frère, lui, il n'a pas l'air content. Vous en avez pas marre de vous lever tôt pour traîner vos sacs poubelles sur le trottoir ? Peut-être que si j'avais dit oui, évidemment ma vie aurait été complètement différente. Ah, je vois, on fait son numéro pour les caméras. Non, parce que l'actualité s'est renouvelée en permanence. Vous voulez savoir ce que je pense ? Ben je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez du ramassage des ordures ? J'avoue que je suis moi-même étonné parce que je pensais qu'il y aurait émiettement de la starisation, entre guillemets. Il y aurait 10, 15, 20, 100 peut-être présentateurs. Quelqu'un d'autre peut pas le faire ? La personnalisation et surtout la starification s'est arrêtée sur une ou deux personnes. Quelqu'un d'autre peut pas le faire ? C'est comme ça, je pense qu'il y a besoin de permanence dans un monde qui est assez paumé. Il y a des jours où ta confiance est tout ce qui me fait vivre. T'es un bon garçon ! On a peut-être besoin d'avoir des grands messes à certains moments. Qu'est-ce qui peut être frameur qui m'énerve ? On a cette indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs et Dieu sait si nous en avons vu passer les uns les autres. Ouais, et ta sœur ? T'as fini ? Non, il y a eu un long dégagement du président. Je vous rappelle que pour l'instant, à ma connaissance, j'ai été le seul à m'être fait traiter d'insolent là-bas. Vous voyez qu'on est toujours amis. Allez, on s'embrasse. Oh, puis quoi encore ? Non, mais ça va pas. Quand Arnaud revient à la maison, il est accueilli par Jean-Claude, toujours aussi stupéfait. Son beau-frère connaît donc Patrick Poivre d'Arvor, son idole depuis toujours. Mais Arnaud explique à Jean-Claude que pour lui, les journalistes, c'est franchement pas des stars et que... Ah ouais, hein. C'est facile ça, de critiquer les journalistes. Qu'Arnaud puisse parler ainsi de son dieu PPDA, Jean-Claude est offusqué. Arnaud crache donc son venin contre le monde des journalistes. D'ailleurs, Arnaud, qui refuse toute pression médiatique, dit à Jean-Claude que pour rien au monde, il ne regarderait le 20h à la télé. Qu'à cela ne tienne, Jean-Claude sait qu'il peut compter sur sa famille et il annonce à Rémi ainsi qu'à Monique que ce soir, c'est mardi et que c'est ensemble qu'ils vont regarder le droit de savoir de Charles Villeneuve. Parce que merde, quoi. C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Sûrement pas, s'exclame Rémi. Encore une fois, ça va parler des jeunes n'importe comment là-dedans, parce que lui, Rémi, il est jeune, et ça le gonfle d'être trop souvent présenté comme un problème de société un peu partout. Dans un docu sur Arte, ou au journal télévisé, je me vois partout, je me vois partout et je m'en fous, et je m'en fous, de me voir partout, faut que tu comprennes que je m'en fous, et je m'en fous, de me voir partout, faut que tu comprennes que je m'en fous. Tonton Arnaud se dit que décidément son neveu a de l'avenir. Jean-Claude est profondément blessé de l'indifférence de son beau-frère pour les informations et il décide, fissa, de lui bidouiller sur le champ à un journal télévisé. Voici les titres du journal. Mon beau-frère est encore plus con que le mois dernier. Un reportage inquiétant qui en dit long sur ce qu'il peut être un beau-frère. Un autre sujet que nous développerons dans ce journal. Ma belle-sœur qui est encore plus con que mon beau-frère. Un témoignage accablant. Demain, toute la journée, journée internationale du slip. De nombreuses manifestations sont prévues un peu partout dans le monde, avec rencontres, colloques et discussions autour du slip. Tout cela sous la présidence de son éminence, le cardinal Chassepay. La météo à présent, soleil et pluie un peu partout dans le monde. Température relevée sous un bras à 16h. 3 à Marseille, 6 à Limoges, 2 à 7 et 7 à 2 à Clermont-Ferrand. Voilà. Juste derrière ce journal, une publicité débile, un jeu à la con et un film de merde. C'est alors que Rémi, habitué des sautes d'humeur de son père, décide d'intervenir pour éviter que la situation ne s'envenime. C'est pas grave, papa, tu n'es pas dans cet état. Lève les yeux et regarde-moi, j'ai peut-être jamais été si proche de toi. C'est pas grave, papa, tu n'es pas dans cet état. Très bien, Jean-Claude obtempère. Ce soir, il ne regardera pas Charles Villeneuve que son fils trouve racoleur. Non, ce soir, il matera un autre journaliste, un vrai Marc-Olivier Fogiel, sur la 6. Voilà, fin du bouclage. Pendant que Jean-Claude et Arnaud se réconcilient devant Fogiel, Rémi en profite pour aller chez le voisin, PPDA donc, afin de lui offrir quelques conseils. Vous corrigez votre attitude, il en était bien temps. C'est un élément déterminant, mais non, mais non. Mais non, mais non, non, non, mais non, mais non, non. Mais vous pensez, ah, oui, vous savez, oh. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue, reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité mieux vaut rire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire, pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Si, oh, oui, de la même gelée, non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky, simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Et je chute de bien haut en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants, compromettants. À partir du moment où, personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands, grands. Pour ces gens, le mot est glorifiant. Chant, ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigo. Go, go, eh, go, oh, oh, go, zéro. Tous ces gigolos, zigoto, rigolos, n'a mot zéro. Ne méritent aucune estime, ils ne méritent que la peine du poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau où doublons la dose au séchant. Le cerveau s'abîme de stéréo. Les cordes vocales au délivre, le flow, les mots. Les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple funky, simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple